Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure d'assouvir notre curiosité scientifique avec Futur Simple. Alors, petite devinette pour ouvrir l'émission, 2025 est l'année internationale de quoi ? Car l'ONU attribue un ou plusieurs thèmes à célébrer chaque année. Alors, quel est le thème de 2025 ? En fait, il y en a plusieurs et je vais vous en donner deux. Déjà, le 21 janvier était lancée l'année internationale de la préservation des glaciers. Et la semaine dernière, le 4 février, était lancée l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Alors, c'est cette année internationale des sciences et technologies quantiques qui nous intéresse aujourd'hui et toute l'émission va lui être consacrée. Et pour en parler, eh bien, j'ai fait appel à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et j'ai donc avec moi en studio trois ravissantes personnes. Tania Bellabas, qui est chercheure à l'Institut quantique. Bonjour Tania. Bonjour. Également Emma Campillo-Munoz, qui est chercheure postdoctorale à l'Institut quantique. Bonjour. Et Elsa Pokovic, qui est également chercheure postdoctorale à l'Institut quantique. Bonjour. Et toutes les trois donc, vont nous présenter chacune à leur tour leur domaine de recherche. Mais auparavant, nous allons écouter une entrevue que, en fait, auparavant, pour présenter bien l'Institut quantique, en fait, j'ai fait appel à Alexandre Blay. Il est professeur à l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'Institut quantique. Et voici donc l'entrevue que j'ai réalisée avec lui un petit peu plus tôt. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons par le début, en fait. Pourquoi l'ONU a jugé pertinent de décréter l'année 2025, l'année internationale des sciences et des technologies quantiques? Oui, ben, en fait, 2025, c'est une année spéciale parce que donc il y a une centaine d'années, en fait, il y a 100 ans, il y a les fondations de la physique quantique qui ont vraiment pris place. En fait, la physique quantique date du début 1905 avec Planck et Einstein. Puis ça a pris une vingtaine d'années avant que les fondations soient vraiment solides. Donc, aujourd'hui, c'est le centième anniversaire de cet événement-là. Et depuis, forcément, la physique quantique a fait pas mal de chemin. Puis je note qu'auparavant, donc, on parlait de la physique quantique ou la mécanique quantique. Et maintenant, on parle des sciences quantiques au pluriel. Est-ce que ça veut dire que, finalement, la mécanique quantique et la physique quantique se retrouvent de façon un peu transversale dans les autres sciences? En fait, la chose qui est importante à dire, c'est que la physique quantique, c'est la théorie la plus précise qu'on a pour décrire la nature. C'est vraiment l'outil qu'on a. Il n'y a aucun autre outil, en fait, en science qui arrive à une précision comme ça pour décrire la nature. On peut prédire des nouvelles particules et ensuite les observer. On pense au boson de Higgs. Et c'est les fondements, donc, de la chimie. C'est les fondements de plein d'autres sciences, finalement. Mais il y a beaucoup plus que ça, en fait. La physique quantique, c'est aussi pour ça que c'est aujourd'hui l'année internationale des sciences et technologies quantiques. C'est que la science quantique, c'est quelque chose qui a transformé la société, littéralement. Si on pense aux horloges atomiques, aux lasers, à l'imagerie médicale et même à nos ordinateurs d'aujourd'hui, en fait, c'est toutes les technologies qui émergent des laboratoires de physique quantique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a transformé la société. C'est ça, donc d'où les sciences et technologies quantiques au pluriel. Alors, j'aimerais que vous nous parliez maintenant un petit peu de l'Institut quantique dont vous êtes le directeur scientifique. Donc, il a été créé quand, avec quelle mission? Puis, dressez-nous peut-être un panorama ou un portrait de toutes les personnes qui travaillent là. Oui, en fait, si le quantique fête son centième anniversaire, l'histoire du quantique à Sherbrooke fête environ son 45e anniversaire. Ah oui, quand même! Donc, oui, tout à fait. En fait, c'est il y a 45 ans que le département de physique a décidé de mettre de l'emphase sur une direction, ce qu'on appelle la matière condensée, qui est une des sous-branches de la physique quantique, et d'embaucher dans cette direction-là pour bâtir une masse critique. Il y a une vingtaine d'années, on a ouvert la branche de l'information quantique qui s'intéresse à comment on peut utiliser la physique quantique pour avoir des technologies quantiques encore plus performantes que ce qu'on a aujourd'hui. Et en 2016, après donc une longue histoire de recherche puis de bâtir une expertise, des infrastructures, en 2016, l'Institut quantique a été créé. La mission, en fait, qu'on s'était donnée à ce moment-là, c'est, ben, on est une institution universitaire, donc on fait de la recherche et on forme les gens. Mais au cœur de notre mission, c'était de passer des sciences quantiques aux technologies quantiques, qui est vraiment le terme aujourd'hui, là. Donc, avec notre recherche fondamentale qu'on fait ici, puis tout l'écosystème qu'on a autour à l'Université de Sherbrooke, on avait la capacité, en fait, de passer de la recherche fondamentale en sciences quantiques, puis amener ça vers des technologies quantiques. Chose, en fait, qui aujourd'hui a amené à tout un écosystème à Sherbrooke en quantique autour de ce qu'on appelle la zone d'innovation en sciences quantiques avec une 10 à 15 entreprises bien établies, Ah là. ouais. Puis là, vous avez un bâtiment tout neuf, rien qu'à vous, mais j'imagine qu'il y a des petites tentacules à droite et à gauche. Ben en fait, un institut de recherche, c'est quelque chose qui est multifacultaire. Donc, effectivement, on a notre bâtisse à nous, dont on est très, très fiers, qui a gagné des beaux prix pour Ouais. l'architecture. Mais on a des professeurs, en fait, des membres de l'Institut quantique qui sont en génie, qui sont à l'École de sciences de politique appliquée, qui sont à l'École de gestion. Donc, on a des gens un peu partout à travers l'université. Ça fait vraiment partie de la mission des instituts, en fait. Donc vous l'avez dit un peu plus tôt, finalement les sciences quantiques, la physique quantique s'est répartie dans différentes branches, dans différentes technologies, donc en médecine et d'autres. Donc ça veut dire que vous avez des domaines de recherche qui s'éparpillent un petit peu dans toutes ces sphères-là. Ben, en fait, on a trois grandes avenues en recherche. Donc, on a ce qu'on pourrait appeler les matériaux quantiques. C'est des nouveaux matériaux qui ont des propriétés très exotiques qui émergent dues à la physique quantique. On pense par exemple à des supraconducteurs qui présentent aucune résistance au passage d'un courant électrique quand ils sont à suffisamment basse température. Ce qui permettrait par exemple à Hydro-Québec de transporter de l'énergie sans perte Ah des ouais. grands barrages jusqu'à nos villes. On a, comme j'ai dit, l'information quantique. Donc, il y a plusieurs technologies sous-jacentes ici, mais la mieux connue, c'est probablement l'ordinateur quantique. C'est un nouveau type d'ordinateur qui décuple les possibilités, qui rend des calculs qui seraient carrément impossibles sur nos ordinateurs actuels, qui les rendent possibles. Donc, il y a tout un développement en ce moment à travers la planète vers l'ordinateur quantique et à l'Institut quantique, on est une des forces dans ce domaine-là. Et finalement, il y a le génie quantique qui nous permet de faire le passage justement des sciences quantiques aux technologies quantiques. Il faut aller au-delà de la recherche fondamentale et faire des prototypes, faire vraiment pas des produits, c'est pas le but d'une institution d'enseignement et de recherche, mais de faire des prototypes qui un jour arriveront vers des produits. Est-ce je vous entends parler d'ordinateurs quantiques, puis dans le grand public, on a un peu du mal à savoir si ces ordinateurs existent déjà ou si c'est une utopie. Est-ce que vous pouvez répondre à cette brève question, mais Oui, en fait, bien la longue confusion finalement? est naturelle parce que les compagnies qui, comme Google, IBM, Microsoft, Amazon, en fait, qui Ouais. travaillent sur l'ordinateur quantique, ont des prototypes qui nous disent, qu'ils appellent les ordinateurs quantiques, qui nous disent, voici les résultats incroyables qu'on a eus avec ces ordinateurs-là. Et c'est tout à fait vrai qu'ils ont des prototypes avec lesquels ils ont des résultats tout à fait impressionnants. On est capable de faire maintenant des calculs. Google a démontré ça à la fin de l'année passée. Ils ont été capables de faire un calcul avec un petit prototype d'ordinateur quantique qui aurait pris, selon leur estimé, 10 à la 25 ans sur l'ordinateur le plus Oh. puissant de la planète. Ouais. Donc, cela dit, les calculs qu'on est capable de faire aujourd'hui sur ces prototypes-là ne sont pas encore utiles. Ils ne sont pas utiles pour la société, ils ne sont pas encore utiles commercialement. C'est vraiment le prochain défi maintenant. De ces ordinateurs-là ont beaucoup trop d'erreurs. On doit apprendre à maîtriser ces erreurs-là. Et quand on aura maîtrisé ces erreurs-là, on va être capable d'exploiter toute la puissance de calcul qui se cache derrière le quantique. Je me demandais aussi si ça faisait partie de vos recherches, de vos explorations. Quand on parle de numérique, d'intelligence artificielle, il y a toute une sphère un petit peu éthique sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et autres. Est-ce que ça fait aussi partie des dimensions que vous explorez à l'Institut Quantique? Est-ce qu'il y a des aspects éthiques qui sont associés à ces nouvelles technologies? Oui, tout à fait. En fait, c'est important pour nous d'être des citoyens responsables, que les technologies qu'on développe, la science qu'on développe, ça soit fait de façon responsable avec un œil vers le futur. On voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, où ben, l'intelligence artificielle chamboule notre vie, chamboule la société, puis il est un petit peu tard pour se poser la question de c'est quoi les impacts. Donc, avec les technologies quantiques qui sont en émergence maintenant, qui ne sont pas prêtes à être déployées aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça en amont. On a fait de faire en avant. Et on a un projet de recherche avec la professeure Isabelle Lacroix à l'École de politique appliquée, justement sur cette question-là. Donc, où ce qu'on fait, c'est qu'on engage un dialogue avec des chercheurs, des chercheuses, mais aussi avec la société, avec le grand public, pour voir c'est quoi les préoccupations et réfléchir à comment on peut adresser ces préoccupations-là à l'avance. Donc là, on n'est plus seulement dans le côté purement technologique, mais on jette des ponts vers les côtés sciences humaines ou sciences sociales, peut-être, pour réfléchir aux conséquences du déploiement de ces technologies. Ben là, on va entendre parler donc toute cette année, j'imagine, de sciences quantiques et de technologies quantiques. J'imagine que c'est quand même assez important pour vous à l'Institut Quantique. Est-ce qu'il est prévu des activités de l'Institut Quantique pour faire vivre pour faire vivre cette année des sciences et des technologies quantiques à l'ensemble des citoyens citoyennes? Oui, tout à fait. En fait, on en a plusieurs. On a une équipe en fait, qui s'appelle les Curieux Quantiques qui en fait font de la vulgarisation scientifique, qui vont dans les écoles, qui ouvrent, qui invitent les gens à l'Institut Quantique. Donc, ça, c'est une activité qui existe depuis, une initiative qui existe depuis déjà plusieurs années. Mais vraiment, pour eux, ça va être une année spéciale où il y a plein d'activités qui sont prévues. On a des conférences publiques, on a des portes ouvertes, on a avec Sporobol et la SAT qui est à Montréal, on a des activités artistiques. Alors, il y a une pièce de théâtre, le Théâtre du Renard, qui a une pièce de théâtre avec une thématique quantique qui est déjà eu à Montréal, qui va avoir lieu à Sherbrooke d'ici quelques mois. Donc, on a tout plein d'activités. Puis, je vous encourage, en fait, si vous intéresse, à aller voir Institut Quantique. La page web, usherbrooke.ca/IQ, et d'aller voir sous la bannière Curieux Quantique les activités qui sont offertes. Ah ben oui, ça va permettre de nous familiariser avec ces sciences qui nous paraissent quand même assez étranges. Hein. Bon, le commun des mortels, ça nous paraît toujours un petit peu opaque et un peu étrange. Donc, une bonne idée de se familiariser avec ces sciences et technologies. Alors, ben, je vous remercie beaucoup, professeur Blais, pour cette introduction à cette émission spéciale sur l'Institut quantique et cette introduction à l'année internationale des sciences et technologies quantiques que nous allons vivre cette année en 2025. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle que nous étions en compagnie d'Alexandre Blais, qui est professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke et également directeur scientifique de l'Institut quantique. Alors, comme on vient de l'entendre, l'Institut quantique explore plusieurs thèmes de recherche, et notamment les matériaux quantiques, l'informatique quantique, et aussi les aspects éthiques et responsables des technologies quantiques. Alors, on va maintenant creuser quelques-uns de ces projets de recherche, en commençant par l'informatique quantique. Et pour ça, eh bien, je me tourne vers Tania Bellabas, qui, comme je disais, est chercheuse à l'Institut quantique. Alors, rebonjour, Tania. Allô? Alors, pour faire de l'informatique quantique, bah forcément, il faut des ordinateurs quantiques. On entend parler depuis quelques années, mais Tania, sans nous faire un cours de physique quantique, est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment ça marche un ordinateur quantique? Alors, les ordinateurs classiques, là, utilisent les bits comme unité d'information fondamentale. Un ordinateur quantique, lui, va utiliser les bits quantiques, qu'on appelle aussi les qubits. Puis les qubits, c'est l'équivalent des bits, mais avec une particularité essentielle, c'est qu'au lieu d'être dans l'état 0 ou 1, un qubit peut être dans une superposition de ces deux états-là en même temps. Fait qu'il peut être dans l'état 0 et 1 en même temps. Et ça signifie, entre autres choses, qu'un ordinateur quantique peut effectuer plusieurs calculs simultanément. Et en plus, grâce à ce qu'on appelle l'intrication quantique, ben, plusieurs qubits peuvent être liés entre eux pour créer des états corrélés qui nous permettent vraiment de débloquer une espèce de puissance de calcul, en fait, de pouvoir faire des calculs de manière exponentiellement plus rapide que des ordinateurs classiques, ce qui est là toute la force. Ah ouais, puis Alexandre Blais en donnait un exemple là d'un calcul qui avait pris, alors je sais plus, 10 à la 25 exposants à 25 années. Oui. Donc on comprend effectivement que la puissance de calcul est démultipliée. Est-ce que ça permet juste d'accélérer ou est-ce que ça permet de faire différents types de calculs également? Ou est-ce que tout ce qu'on fait actuellement peut être transférable dans un ordinateur quantique ou est-ce que ça se limite à certains types de calculs seulement? Faut savoir que nos ordinateurs classiques sont super bons à ce qu'ils font. Ouais. Fait qu'un ordinateur quantique, c'est techniquement capable de faire tout ce qu'un ordinateur classique fait, techniquement, mais ce sera pas utilisé pour faire tout ça. Enfin, c'est très complexe de créer un ordinateur quantique. Comme Alexandre Blais le disait, c'est très bruité. Ça veut dire quoi, ça? C'est bruité? Ça veut dire que c'est sensible à l'environnement. On va le voir un petit peu avec Emma tantôt, je pense, là, mais elle va pouvoir nous parler de matériaux quantiques. Les matériaux quantiques, c'est à très petite échelle. Et donc, tout ce qui se passe autour de nous influence le matériau quantique en question. Et un qubit, étant donné que c'est un qubit quantique, il est fait avec des matériaux quantiques. Et donc, est influencé par l'environnement. Donc, de créer un calculateur, dans le fond, un ordinateur, qu'on doit être capable de contrôler, tout comme avec des qubits, dans le fond, puis que ces qubits-là doivent tout de même rester isolés dans l'environnement, ça devient un petit peu paradoxal, dans le fond. Donc, c'est là toute la complexité de construction d'un ordinateur quantique. Puis c'est ce qui fait que, entre autres choses, mais qu'il y a du bruit qui se produit. Donc, dans le fond, notre qubit peut avoir un comportement qui est différent de celui qu'on s'attend qu'il ait. Et donc, nos calculs peuvent être faussés à cause de tout ça. Ah, oui. Et comme Alexandre le disait, on a des prototypes en ce moment. Donc, on a des ordinateurs avec soit pas beaucoup de qubits, mais surtout pas des qubits de super bonne qualité. Mm-hmm. Donc, présentement, on fait pas des calculs qui sont meilleurs que les ordinateurs classiques. Mais on estime qu'on va être capable de faire beaucoup de calculs plus complexes. Mais ça fait aussi que, on va pas tout remplacer par un ordinateur quantique. Au contraire, ça va être vraiment très spécifique, ce qu'on va faire. Mm-hmm. Puis ça fait partie, en fait, de mon travail quotidien, c'est de savoir c'est quoi les domaines, justement, qu'on va venir... Justement, donc ce serait quel domaine qui bénéficierait de ces applications, de ces ordinateurs quantiques? C'est vraiment une bonne question. la réponse, c'est qu'on sait pas c'est quoi tous les domaines en ce moment. On a une bonne idée. Par exemple, le domaine qui revient souvent, c'est la simulation de molécules. Donc, un domaine de la chimie, de la pharmacologie, où la simulation de molécules nous permet de venir simuler ce qui va se passer dans la vraie vie, dans le fond, à des fins de comprendre les comportements de matériaux, mais aussi de développer, par exemple, des médicaments. Mm-hmm. Et donc, le développement de médicaments, du moment où on est capable de simuler ces matériaux-là, de façon beaucoup plus rapide, ça devient beaucoup plus facile à faire et ça nous permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes, ce qui est un gros domaine de l'informatique quantique. Mmh. Parce que là, on pourrait simuler toutes les configurations que peut prendre une molécule ou une protéine et donc anticiper les propriétés et éventuellement propriétés pharmaceutiques de cette molécule. Dans le fond, en ce moment, ce qu'on fait classiquement, c'est des approximations, c'est beaucoup d'approximations. Donc, on ne va pas aller voir toutes les combinaisons possibles ou où il y a des calculs qu'on n'est même pas capable parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ouais. Mais là, vraiment, c'est grâce à ces concepts-là de superposition, d'intrication et tout ça, qu'on va venir voir toutes ces connexions-là simultanément et donc être capable de simuler plus rapidement ce qui se passe et donc créer des nouveaux médicaments. Les chimistes doivent être aux anges d'entendre tout ça, j'imagine. C'est ça, mais le défi est dans le développement des bons algorithmes, sachant aussi qu'on n'a pas encore les ordinateurs. Donc, c'est beaucoup du travail théorique, c'est du travail de simulation. Fait que tout ça, c'est vraiment c'est de la recherche avec du gros potentiel. Et donc, ça, c'est un des domaines, donc, en recherche pharmaceutique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres domaines privilégiés? Oui, on parle souvent d'optimisation. Tout ce qui est minimisation d'énergie, là, et puis ça vient dans plein de domaines différents, là. Par exemple, on peut penser à de l'optimisation combinatoire où on a des problèmes de graphes, puis on essaie de trouver le plus court chemin mettons, une banque pourrait se dire, oh, je veux, j'ai un camion qui doit distribuer de l'argent dans différents centres. C'est quoi le plus court chemin, le chemin le plus optimal que mon camion peut prendre pour respecter quelques contraintes? Ça, c'est un exemple joué de problème, là, mais fait que tout ce genre de problème-là, les problèmes aussi de minimisation d'énergie, c'est-à-dire de trouver la solution à un problème qui a été formulé sous la forme d'une fonction de coût, dans le fond. Puis ça, c'est le domaine de l'optimisation, c'est très recherché. Encore une fois, c'est pas encore clair, c'est quoi les algorithmes qui vont ressortir, qu'est-ce qu'on va réussir à faire, qu'est-ce qu'on va pas réussir à faire. Donc, encore une fois, beaucoup de recherches. Il y a aussi le domaine de la cryptographie. On entend beaucoup parler d'informatique quantique là-dedans parce qu'on dit qu'il existe un algorithme quantique qui est capable de briser l'encryption telle qu'on la connaît en ce moment, ce qui est vrai. Mais encore une fois, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour rouler cet algorithme-là. Fait que l'algorithme est écrit, il est sur papier, ça s'appelle l'algorithme de Shor, mais on n'a pas l'ordi pour le rouler. Donc ça aussi, c'est un domaine de recherche. Il y a aussi la recherche post-crypto-quantique. Là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, mettons qu'on est capable de briser l'encryption, qu'est-ce qu'on fait après ça? Est-ce qu'on est capable d'utiliser l'informatique quantique pour faire des nouvelles façons d'encrypter nos messages? Oui, parce qu'effectivement, si ça décuple les calculs, si ça accélère les calculs, j'imagine que là, une clé hyper compliquée avec plein de possibilités, bah, l'ordinateur quantique, il va mettre un pouillème de seconde à trouver la solution. Exactement. Fait que l'algorithme de Shor, mettons, fait ce qu'on estime un algo classique à faire, un ordi classique à faire en des milliards d'années, dans le fond, quelques heures ou moins, là. Mais on n'a pas l'ordi. D'un certain côté, heureusement. À quoi ressemblent vos recherches? Parce que là, on imagine... Bon, t'es programmeuse là, en informatique quantique, mais ça ressemble à quoi quand on est chercheuse en informatique quantique? Est-ce que les algorithmes s'écrivent de la même manière ou c'est d'autres équations mathématiques qui vont fouiller le comportement des atomes? C'est quelque part entre les deux, dans le fond, parce que la logique qu'on va utiliser pour écrire nos algorithmes va être complètement différente. Par le fait même qu'on a de la superposition d'états, on a de l'intrication, on a tous ces concepts, tous ces phénomènes-là quantiques, on peut pas utiliser la même logique pour écrire un algorithme classique qu'un algorithme quantique. Donc, on va réfléchir au fait que notre qubit, il a pas non seulement la valeur soit 0 ou soit 1, donc on pense pas en binaire, mais on pense bien en cette capacité d'avoir aussi cette superposition. Fait que notre qubit, à la fin, il va rester binaire, là, quand on va finir notre algorithme. Mais au milieu, on est capable d'avoir cette superposition. Donc, la question, c'est de savoir comment on manipule ça. Et ça, c'est toute une logique complètement différente. Fait que c'est vraiment de penser ça vraiment différemment. Par contre, on écrit avec des langages de programmation qu'on utilise pour écrire des programmes classiques. Là, ça reste du Python, ça reste du Julia pour quelques personnes, etc. Donc, ça reste... les mots qu'on écrit... sont des mots classiques, maintenant. La logique est différente parce que c'est pas juste des 1 ou 0. Et les opérations qu'on applique aussi, c'est ce qu'on appelle des portes quantiques. Ça va être des opérations qui sont différentes aussi que les opérations classiques, maintenant. Est-ce que ça, non seulement ça permet, donc ça accélère les calculs, donc on va trouver plus rapidement la solution, mais est-ce que ça permet aussi d'affiner, d'avoir la solution la plus optimale du même coup? Ça dépend des domaines dont on discute. Il y a par exemple, des projets sur lesquels je travaille où je travaille tout de même à faire une approximation. C'est juste que l'approximation est plus rapide. Par contre, souvent, ça vient avec le fait que si on est capable d'obtenir une approximation plus rapidement, on peut passer plus de temps à affiner cette approximation-là et donc la rapprocher plus de la solution. Fait que la réponse, c'est oui et non, mais on n'a pas de... Il n'y a pas une recette claire pour tous ces problèmes-là dont on parle qui sont difficiles. Vraiment, le mystère demeure. Là. Fait qu'on est encore en train de chercher les réponses à ces questions-là. Donc toi, tu écris, tu cherches des façons d'écrire ces nouveaux algorithmes quantiques, mais est-ce que tu as accès à un ordinateur quantique pour les faire rouler? Oui. fait que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a un ordinateur ici au Québec, à Bromont, en fait. Fait qu'on, c'est un ordinateur d'IBM. Et on a accès à cet ordinateur-là, fait que je peux... Par le nuage? Oui. OK. Oui, donc je peux envoyer des programmes à exécuter sur cet ordi-là. On a aussi accès à d'autres machines, là, mais ça, c'est... dépendamment du projet de recherche sur lequel on travaille dans notre groupe de recherche, là, on a différents accès à différentes machines, mais oui, on est capable de rouler des vrais circuits sur des vrais ordinateurs, oui. Donc je comprends que ça devient une réalité finalement, même s'ils sont pas encore en point, il y a du bruit, puis là Emma va nous expliquer de quel bruit il s'agit. Donc on comprend que c'est encore c'est un peu balbutiant, mais ils deviennent réalité quand même, ces ordinateurs quantiques. Oui, on voit des progrès quand même fulgurants là, d'année en année là. Alexandre Blais parlait des progrès de Google l'an passé, puis IBM aussi ont des plans de grandeur. Il y a une start-up à Sherbrooke, Nord-Quantique, qui fait du vraiment beau travail, tout ça. Fait que le projet technologique avance, le progrès technologique est vraiment impressionnant. Puis en parallèle, ben, nous, on développe les algorithmes qui vont finir par rouler là-dessus. Voilà. Et bon, ben voilà une bonne entrée en matière. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. Donc, nous étions en compagnie de Tania Bellabas, qui est chercheuse à l'Institut Quantique. Et pour se reposer un petit peu les neurones, eh bien, on va écouter Amour Quantique de Pierre Noly. Que parure et dans ses embrasures y courent des chevaux aux sauvages crinières. Dans leur danse fournie d'élégantes cambrures, leurs sabots font écho au rythme de nos chairs. Parcourons des mers ne montrant que surface et dans nos eaux voltiges des galaxies. Il nous sera facile d'en retrouver les traces en suivant les courants de leur semis. Je cherche la lumière dans tes yeux, l'infini. Je te vois, je te perds dans l'écrin de la nuit. Je veux faire l'amour avec ton cœur. Je veux faire l'amour avec ton cœur. Pour trouver le cœur. Des tempêtes de rage ravagent nos vaisseaux aux coquilles d'argile. Des troupeaux de caresses nous sauvent du naufrage en soufflant tendrement dans nos voiles fragiles. Nous voguons dans le vide. Le vide est vibrant, faisant briller des ondes sidérales. Les pupilles de nos yeux s'y enivrent en buvant, sortis des trous noirs où naissent des étoiles. CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous poursuivons cette émission spéciale sur l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Et pour cela, bien, je suis toujours en compagnie de chercheurs et chercheurs postdoctorales de l'Institut quantique de Sherbrooke. Alors, en première partie, Alexandre Blais, qui est le directeur de l'Institut, nous adressait un portrait rapide des sciences et technologies quantiques. Tania Bellabas, qui est chercheuse à l'Institut quantique, nous a pris le relais et nous a parlé de sa recherche en informatique quantique. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces ordinateurs quantiques, comment ça marche, et nous a parlé rapidement des algorithmes qu'il faut déployer pour faire cette informatique quantique. Eh bien, on va continuer maintenant sur le thème des matériaux quantiques, et pour cela, eh bien, je me tourne vers Emma Campillo-Munoz, qui est chercheure postdoctorale à l'Institut quantique. Rebonjour Emma. Salut. Alors toi, tu es physicienne de formation, donc oui. C'est pas forcément le côté programmation qui t'intéresse, mais vraiment le cœur de la matière. Exactement. D'accord. Et tout d'abord, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser aux matériaux? Est-ce qu'il y a des matériaux particuliers? Tania nous en a parlé un petit peu. Il y a besoin de matériaux. Elle a parlé de supraconductivité. Donc c'est ça le cœur de ta recherche, c'est développer des matériaux supraconducteurs. Des matériaux quantiques. Des matériaux quantiques. Ouais. Alors, c'est quoi les matériaux quantiques? C'est ça une bonne question. C'est normalement, quand nous sommes dans l'école, nous étudions la physique classique. C'est, par exemple, les lois de Newton. Grâce à les lois de Newton, on peut étudier la position, la vélocité, la force qu'on applique dans les objets macroscopiques, c'est-à-dire les objets à grande taille. Mais qu'est-ce qu'il passe quand on veut étudier la position, la vélocité, les phénomènes qui passent à les particules à l'échelle de l'atome? Les règles changent complètement. So, on doit utiliser un autre domaine que c'est la mécanique quantique. C'est ça le domaine d'études dans l'Institut quantique, basiquement. En plusieurs des domaines, en plusieurs des thèmes d'études. Mais mon spécialité, la spécialité de mon groupe, c'est d'étudier des échantillons ou des matériaux qui sont quantiques. Ça signifie qu'ils montrent des phénomènes quantiques qui sont seulement visibles ou sont seulement développés à très basse température ou quand on applique des champs magnétiques très élevés. Mais c'était peut-être plus Alexandre Blais qui parlait de supraconductivité. Oui, donc, est-ce qu'il y a besoin de cette fameuse supraconductivité pour faire fonctionner les ordinateurs quantiques? Oui. C'est la supraconductivité, le matériau qui sont supraconducteurs, c'est un type de matériau quantique. Okay. Et pour comprendre la puissance des matériaux supraconducteurs, c'est des matériaux qui montrent en résistance zéro. C'est en zéro absolu. C'est la conductivité, c'est complètement parfait. Donc l'électricité circule sans aucune résistance. Et voilà, c'est pour savoir ou pour comprendre. Nous avons un fil de cuivre, et on applique un courant électrique. On peut voir que l'électricité c'est complètement conduit, mais il y a des chaleurs. Mais par l'écart des matériaux quantiques, quand on applique la couronne électrique, l'électricité se conduit parfaitement et il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de perte en forme de chaleur. Ouais. C'est ça le phénomène de la supraconductivité. Mais malheureusement, c'est ça seulement possible à très basse température. On parle des températures entre moins 100 et moins 200 degrés. Ah oui, c'est vraiment très froid. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il faut atteindre ces températures très froides pour obtenir la supraconductivité et faire fonctionner les ordinateurs quantiques. Exactement. On peut appliquer les matériaux superconducteurs à part de l'informatique quantique, des autres utilités de la vie quotidienne. C'est par exemple dans les hôpitaux, quand on doit faire un scan dans notre cerveau, dans l'intérieur, c'est un aramène. Ouais. C'est par exemple, on doit utiliser un aimant superconducteur, ah oui. Ouais. Mais aussi dans notre lavant, pour étudier des matériaux quantiques, pour créer un champ magnétique très élevé, nous devons utiliser une bobine superconductrice. Donc toi, ton travail, ta recherche consiste à trouvé des moyens d'obtenir cette fameuse supraconductivité? Non, exactement. Non, c'est quoi? C'est la spécialité de mon groupe. Je suis postdoc dans le groupe de l'UTFR. La spécialité, c'est de savoir le comportement de la conductivité thermique dans certains matériaux. Des matériaux de notre intérêt ou des matériaux comme matériaux magnétiques ou matériaux superconductrices ou des isolants. Tous les matériaux qui montrent un comportement étrange à très basse température ou quand on applique des champs magnétiques très hauts. Je parle d'un champ magnétique qui est de 15 ou 20 fois puissante qui est l'aimant que tu peux trouver dans ton frigo. Ouais. C'est ça qui est... mais on peut, si on étudie comme la chaleur, c'est transporté dans l'intérieur de l'échantillon, on peut comprendre quelles particules sont les responsables de transmettre la chaleur. Mm-hmm. Et avec ça, on peut comprendre les comportements à très basse température. Ouais, d'accord. Mais là, bon, tu dis que c'est des phénomènes qui se passent à l'échelle microscopique, la plus bas, en tout cas, et atomique. Plus bas que ça. Oui. C'est vraiment à l'échelle atomique, là. Comment on fait pour regarder ça? Est-ce que finalement, ce qui se passe à l'échelle subatomique, là, on est capable de le voir à l'échelle macroscopique? Ou est-ce qu'il faut regarder dans les atomes pour voir cette propagation de la chaleur? Il y a des techniques possibles de voir à l'échelle de l'atome, mais c'est la majorité de les expériences expérimentales, ce n'est pas visuel, parce que on parle de l'échelle de l'atome, nous n'avons pas un microscope pour voir un atome. Non. Ok, ouais. Mais pour faire ça, nous devons faire des mesures pas indirectes, parce que l'information c'est complètement directe. Mais la chose qu'on fait, c'est de mesurer des échantillons de la taille de 1 mm au moins. Et on installe des fils d'argent, par exemple, et on peut mesurer la température, la différence de température en l'échantillon. Mais le problème, c'est que c'est l'échantillon, c'est de l'intérieur d'un cryostat. Le cryostat, c'est un appareil qu'on peut trouver, ou on peut créer des températures, des matériaux de température proches à les zéro absolu. C'est un... Moins 270. Exactement. C'est... Et grâce à ce cryostat, on peut maintenir l'échantillon refroidi. Et aussi, le cryostat, c'est à l'intérieur de la grosse, immense superconducteur. Voilà, c'est impossible de voir que comme le cristal ou comme l'échantillon change de la structure ou pour voir. Mais on peut mesurer qu'est-ce qu'il passe comme la conductivité électrique, la conductivité thermique ou comme... c'est en mesure directe de le comportement, mais pas visible. Mmh, mmh. C'est ça la différence. Ouais. Donc, on regarde ces comportements, mais concrètement, en fait, c'est quoi c'est du métal? C'est quoi l'échantillon? C'est un échantillon de métal? J'imagine que ce n'est pas du plastique. Il y a plusieurs. Si tu peux voir un échantillon de notre labo, c'est une pièce de glace seulement. Il y a des isolants. Il y a aussi des cuprates. Les cuprates, par exemple, c'est une des plus spéciales parce que les supraconducteurs cuprates sont des supraconducteurs à base de cuivre. Mais si tu as un échantillon de cuprates, c'est comme en piètre. C'est pas spécial. Mais la chose que c'est spécial, c'est qu'on peut trouver des supraconducteurs en ces matériaux à température plus élevée qu'autres superconducteurs conventionnels. Mm-hmm. Qui sont des conducteurs mauvais, ou c'est pas bon des conducteurs à la température ambiance, mais à basse température, sont des supraconducteurs excellents. Parce que là, pour développer les ordinateurs quantiques, est-ce que ça veut dire qu'on aurait besoin de trouver des supraconducteurs qui sont supraconducteurs à des températures pas à moins 270, voilà. Là, mais à des températures. Ce serait plus facile de les fabriquer, peut-être, de les maintenir en état de fonction. Et on n'aurait peut-être pas ces problèmes de bruit dont parlait Tania. Eh oui, c'est la question qui est sur la table dans le monde de la physique et de la matière condensée, c'est qui va trouver, ou quel groupe, ou quelle université va trouver les supraconducteurs à la température ambiance. Ah ouais. C'est une carrière qui est encore... c'est en question sans réponse encore. Mais aussi, c'est aussi la physique derrière de la supraconductivité, c'est aussi un gros problème et c'est une grosse question pour nous. C'est ça qui est... c'est non seulement pour l'application, mais aussi pour la physique fondamentale derrière. C'est ça. Donc là, il y a l'aspect tout de recherche fondamentale pour comprendre comment fonctionne la matière avec une application en informatique pour faire des ordinateurs quantiques. Est-ce que en même temps, est-ce que c'est possible de bricoler ce matériau pour améliorer la supraconductivité? Là, tu parles des cuprite, là, donc c'est ces matériaux à base de cuivre. Est-ce qu'on peut jouer, rajouter quelque chose sur le matériau pour le rendre plus supraconducteur? Est-ce que ça fait partie des recherches? C'est une excellente question parce que dans le monde de la matière condensée, c'est OK. Notre groupe s'est spécialisé dans la transport thermique, dans la conductivité thermique. Mais il y a des autres groupes qui sont spécialisés en croisir des antigens. Oh, j'ai changé en petit. Le amande des cuivres, ou l'amande des iridium, ou l'amande des oxygènes. Okay. OK, est-ce que tu peux m'assurer c'est ça et savoir si le comportement a changé ou non? C'est parce que le monde de la recherche, c'est des collaborations. C'est une collaboration mondiale. C'est ça qui c'est la passion, c'est ça la chose jolie de la recherche, c'est une grosse communauté. Et donc, c'est ce qui se passe aussi à l'Institut quantique. Est-ce que, toi, tu travailles sur cette mesure de transfert de chaleur dans l'échantillon, mais est-ce que tu as des collègues qui travaillent sur le développement de nouveaux matériaux qu'ils te donneraient à mesurer, à observer? Plus de groupes qui sont notre collègue, des collaborations, qui nous donnent des échantillons pour savoir qu'est-ce que sont les nouveaux caractéristiques de ces matériaux. Et aussi, nous donnent les caractéristiques, les résultats. On doit partager tout le temps. Mais aussi, il y a des autres spécialités qui sont capables de mesurer des autres caractéristiques Et la transport thermique, c'est limité. Il y a des autres mesures, des mesures de l'effet de Hall électrique. Ici, il y a des techniques de rayon X ou des rayons ou de la diffraction des neutrons qu'on peut observer la structure des matériaux à l'intérieur. Et il y a plusieurs des techniques pour savoir toutes les caractéristiques des matériaux à comprendre, finalement. Donc là, on a, avec toi, Emma, on a donc un aperçu des recherches qui se passent dans le volet matériaux quantiques de l'Institut quantique. Bon, merci. Alors, merci beaucoup, Emma. Donc, nous étions avec Emma Campillo-Munoz et on va changer complètement de domaine. On va peut-être revenir à une échelle plus humaine. Et là, je me tourne vers Elsa Pokovic, voilà, j'ai perdu le nom. Alors Elsa, toi tu n'es pas informaticienne, tu n'es pas physicienne non plus, tu as un doctorat en sciences de l'éducation. Et là, ta recherche se situe plus dans la pédagogie que de la physique et tu fais partie du projet Quantum Dialogue. Donc là, c'est un petit peu mystérieux, là. On a l'impression que, ça y est, on va parler de pédagogie, on sait un peu plus de quoi on parle, mais finalement, ça nous fait du bien de se revenir un petit peu à l'échelle humaine. Mais finalement, de quel dialogue il est question et qu'est-ce qu'on fait, comment la pédagogie se marie avec la physique quantique ou avec les sciences quantiques? Merci beaucoup pour la question. Alors, je pense que comme on l'a entendu à travers le discours de Tania, de Emma, et aussi d'Alexandre Blais, faire des recherches en physique quantique, faire du développement de technologies quantiques, ça nécessite différentes collaborations. Alors, dans les dialogues quantiques, on va parler donc c'est le nom du projet, dialogue quantique, on va parler de dialogues interdisciplinaires, donc ça veut dire entre différentes disciplines, par exemple entre de la physique, entre des maths, mais entre des personnes qui sont en éthique, en philosophie appliquée, en politique, en pédagogie, par exemple, ou en droit, enfin, toutes les disciplines. Et aussi, on va parler de dialogue intersectoriel, ça veut dire entre différents secteurs, donc entre des chercheurs, mais aussi, par exemple, des entrepreneurs, des personnes qui travaillent en politique, des personnes aussi du grand public, donc des représentants de la société. Donc là, j'imagine qu'il faut que tout le monde se parle dans un langage compréhensible. Donc, il faut que les gens sachent vulgariser leur propre matière vis-à-vis des autres personnes. Et la question qui se pose, c'est comment on fait pour vulgariser, de parler de sciences quantiques à ceux qui n'y connaissent rien? Alors, ça, c'est exactement, moi, ce sur quoi je travaille, ce sur quoi on travaille dans le volet éducation de ce projet Dialogue Quantique, c'est justement sur la question de la compétence collaborative, de développer cette compétence collaborative. Et l'idée, c'est d'identifier dans les situations professionnelles, les situations de recherche, mais aussi en entreprise, dans ces situations professionnelles qui nécessitent la collaboration, quels sont exactement ces types de situations et de quelles compétences exactes on a besoin. Mmh. En termes de collaboration, de quelles ressources on a besoin, de quelles habiletés on a besoin, de quel savoir-faire, savoir-être on a besoin en tant que chercheur ou en tant que professionnel. Oui. Pour réussir justement, comme on l'a dit, à la fois à vulgariser, à communiquer, à se positionner comme un expert de son domaine, mais à être ouvert à d'autres manières de faire de la recherche, à d'autres manières de voir les mêmes phénomènes. Et comment on fait ça en fait? Alors, comment on fait pour développer ces compétences-là? Ben oui, c'est ça, pour identifier les compétences qu'il va falloir développer pour parler adéquatement aux autres, pour savoir de quoi il faut parler. En tout cas, tout c'est finalement, c'est assez abstrait aussi. Ouais. Alors, bingo, parce que c'est exactement ça sur quoi je travaille. Donc, c'est comment est-ce qu'on va identifier ces compétences dont on a besoin? C'est un travail qui est assez difficile en soi parce qu'on est dans de la projection. Comme on le disait, les technologies quantiques, en termes d'impact sociétaux, on est toujours sur des choses où on va anticiper qu'est-ce qui va être mis en place dans le futur, qu'est-ce qui va être déployé dans le futur. Mais ce sur quoi on travaille, enfin moi en tout cas, les données sur lesquelles je travaille, il y en a deux types. Il y a des données qui sont des discours justement de professionnels, d'acteurs qui expliquent et qui décrivent exactement les situations professionnelles dans lesquelles ils se retrouvent et les défis en fait à la collaboration auxquels ils sont confrontés. Ça, c'est plutôt pour ce qui se passe maintenant. Et puis pour ce qui se passe dans le futur, la projection, alors là, en fait, on met en place dans le cadre du projet de dialogue quantique des dialogues justement entre des entrepreneurs, des personnes plutôt du politique, des chercheurs, mais aussi des représentants de sociétés civiles, par exemple une représentante d'un groupe féministe, un directeur de musée, enfin des personnes qui viennent de plein de milieux, voilà. On les met ensemble autour d'une table, dans une pièce, et puis à partir d'une méthode bien précise, on va les amener à travailler ensemble sur des scénarios de qu'est-ce que les technologies quantiques, qu'est-ce que l'ordinateur quantique pourrait apporter dans plusieurs années, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il pourrait apporter en termes de solutions pour le futur, quels pourraient être les défis en termes d'environnement, en termes de durabilité, quels pourraient être les défis, les enjeux en termes de sécurité, les impacts sociétaux, les transformations économiques, politiques. Enfin, c'est un discours vraiment très très large d'anticipation, de projection sur le futur. Et donc à partir de ces discours-là, je vais aussi aller chercher des situations de collaboration type qu'on pourrait imaginer dans le futur pour identifier quelles sont les compétences qui seront requises. Mais ça demande de prendre vraiment du recul, d'essayer d'imaginer de tel type de communauté. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences de l'informatique quantique sur votre domaine? C'est très dur à imaginer quand on sait à peine ce que l'informatique quantique va pouvoir réellement faire. Oui, c'est justement en fait une des compétences nécessaires qui a été identifiée dans une revue de la littérature sur cette thématique-là, qui a été identifiée dans les textes. C'est justement le fait d'être capable d'anticiper et de se projeter. Des fois, une des difficultés qu'on a en tant que chercheur, et je me mets complètement dans le panier, c'est qu'on est tellement spécialiste d'un domaine bien précis que c'est difficile de faire un pas en arrière, de prendre du recul et puis d'avoir une vision globale et d'imaginer d'autres points de vue, d'autres choses que ce sur quoi on travaille exactement. Et donc ça, c'est une des compétences vraiment sur lesquelles on va travailler aussi. Ouais. Donc là, est-ce que tu as fait cet exercice d'aller parler à ces différentes catégories de personnes pour aller recueillir leurs avis, leurs points de vue, leur appréhension peut-être, je ne sais pas. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, ces données-là, je les ai recueillies justement dans les dialogues qui se font au sein du projet Dialogue Quantique. Et à partir de ces données-là, en éducation, ce qu'on fait en sciences de l'éducation, ce qu'on fait souvent, ou en tout cas moi je m'inscris dans cette démarche-là de recherche, c'est que à la fois on va faire de la recherche, on va modéliser des choses, on va apporter des résultats, faire des analyses scientifiques, etc. Mais on va aussi développer, créer des dispositifs, des activités pédagogiques. Et donc on les crée, on les met en place pour répondre à un besoin identifié. Là, le besoin, c'est justement de développer la compétence collaborative. Donc, on identifie exactement de quoi il s'agit. On va essayer de développer une activité pédagogique, une activité d'apprentissage. On la met en place. Et ensuite, on l'analyse pour voir qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, quels sont les leviers, quels sont les obstacles à l'apprentissage. Est-ce qu'on la teste avec les chercheurs, cette activité d'apprentissage ? Bah, bien sûr. Oui. Est-ce qu'ils sont ouverts, les chercheurs, à tester ces activités d'apprentissage, Tania, Emma? Pourquoi non, ne? Ouais, ça fait plaisir d'avoir des initiatives comme ça. C'est toujours mieux. C'est toujours le fun d'être outillé pour collaborer avec les autres personnes. Ouais. Donc, comment que ça se passe là? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, est-ce que c'est prévu à l'Institut Quantique de réunir un petit peu tout ce monde-là et puis mm-hmm. Oui? Mm-hmm. Alors là, justement, moi, dans le cadre du volet éducation du projet Dialogue Quantique, je travaille sur le prototypage et le développement d'un jeu éducatif, ouais. d'un jeu à visée éducative, pour développer, travailler ces compétences-là, notamment la compétence collaborative. Donc, évidemment, les chercheurs et les étudiants de l'Institut Quantique seront invités à y participer, à tester le jeu, et pas seulement à y participer, mais aussi à faire partie du processus de conception, pour donner des idées sur « Ah voilà, moi, tel univers, ça m'allume, j'adore, j'aimerais aller là-dedans », ou alors « J'aime... » En termes de jeu, j'aime plutôt affronter des ennemis puissants ou plutôt résoudre des énigmes ou plutôt voilà. Mm-hmm. Là, ça va permettre aux différentes personnes qui travaillent en sciences quantiques d'identifier les compétences dont ils ont besoin pour développer de la recherche collaborative. C'est une chose d'identifier les compétences dont on a besoin, mais c'est encore une autre chose de les apprendre, de les acquérir, ces compétences. Donc là, comment on fait pour aller plus loin, là, pour acquérir ces compétences et les mettre en œuvre, effectivement? Justement, les compétences seront... Alors, je ne vais pas dire développées, parce qu'une compétence, elle se développe vraiment sur le très long terme, mais elles seront soutenues, en tout cas, et on permettra le développement de certaines habiletés à travers... ces jeux, ces activités à visée éducative. Mmh. Et est-ce que, donc ça c'est quand même vraiment intéressant parce qu'on entend souvent parler de collaboration, de partenariat en fait en recherche. C'est pas propre aux sciences quantiques. De plus en plus maintenant il y a du travail, de la recherche multidisciplinaire. Donc est-ce que cette approche-là d'identifier les compétences collaboratives avec des jeux, est-ce que c'est une approche qui pourrait être déployée dans d'autres domaines de recherche? Dans d'autres, d'utiliser le jeu dans d'autres domaines de recherche. Bah, c'est cette idée de réunir un petit peu les gens, de les questionner sur les compétences dont ils ont besoin pour développer une recherche de façon collaborative. Il n'y a pas qu'en sciences quantiques qu'on a besoin d'être collaboratif. Je vais dire n'importe quoi en génomique ou n'importe quoi. On va avoir besoin aussi d'aller chercher des collaborations, d'avoir ces compétences collaboratives. Oui, absolument. Donc, est-ce que l'approche que tu développes pour identifier ces compétences à travers le jeu, est-ce que ça pourrait servir à d'autres domaines de recherche? Oui, ça complètement. Complètement. Ici, ce sur quoi je m'appuie aussi pour identifier ces compétences collaboratives, c'est le fait que les technologies quantiques, ce sont des technologies émergentes, et donc il y a des caractéristiques spécifiques à ces technologies émergentes, mais on pourrait imaginer que dans le cadre d'autres technologies émergentes, ce soit aussi des dispositifs éducatifs qui puissent être mis en place, ou dans d'autres disciplines, effectivement. Donc voilà un panorama sans doute juste survolé de ce qui se passe à l'Institut Quantique. Moi, ça m'intrigue un petit peu, ça me donne envie d'en savoir davantage. Mais bon, on arrive quand même au bout de cette émission spéciale de l'Institut Quantique et bah, vous comprendrez que bah, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Mais comme l'année internationale des sciences quantiques et technologiques ne fait que commencer, bien, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Donc c'est la fin de l'émission et je remercie... Emma, j'ai oublié ton nom, Pokovic. Elsa Pokovic. Elsa Pokovic, voilà. C'est avec trois prénoms en A, donc je me mélange. Donc je te remercie beaucoup, Elsa Pokovic. Avec plaisir. Et également, je remercie Emma Campillo-Munoz, que nous avions entendu aussi précédemment, et Tania Bellabas. Merci. Et Alexandre Blais, exact, et également, qui était enregistré la semaine passée. Alors merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Blais. Et merci également à Dominique Wolfshagen, coordinatrice en animation d'atelier vulgarisé à l'Institut Candic et qui m'a aidée pour la préparation de cette émission.